L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Une émission égypto-libanaise cette semaine aux oreilles ailleurs. L'Égypte, c'est Mahi Walid et Mariam Saleh. Le Liban, c'est Zaid Hamdan. C'est aussi le lien entre les deux. On commence avec une pièce d'un album paru en 2013. L'album s'appelle Moga. La pièce, c'est Asafer Baid. On écoute. سافر بعيد ولا سلطة تقولي أعيد وأزيد هطلع عيش فوق وأشوف لي ناس عندها زوج هعيش مع ناس عندها زوج Walid raconte qu'en 2010, elle a été invitée à participer au Red Bull Music Academy à Beyrouth. Elle était à Alexandrie à l'époque et elle venait de quitter depuis 2 ans un groupe qui est quand même connu sur la scène égyptienne qui s'appelle Mascara. C'est un groupe qui était composé à l'époque quand elle les a quittés, uniquement de femmes, et c'est un groupe qui jouait du heavy metal. Mahi Walid a commencé sa carrière par du heavy metal. Elle avait 17 ans quand elle a débuté. Elle a fait partie de différents groupes comme ça, Nail Polish, Grin, Samika, Télépoétique et puis finalement Mascara. Elle a décidé de quitter ce groupe, dit-elle, parce qu'elle était plus ou moins à l'aise avec le style, l'orientation prise par le groupe. Elle était plus ou moins à l'aise avec ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle s'est rendue compte que le heavy metal, elle aimait le heavy metal, mais c'était pas vraiment le genre qu'elle voulait explorer musicalement. Donc en 2010, elle va ce concours à Beyrouth, et là elle rencontre Zayd Hamdan. Zayd Hamdan, c'est, appelons-le un peu le grand Manitou de la scène underground libanaise. C'est un producteur de disques, producteur de spectacles, producteur de films aussi. Il y a beaucoup de cordes à son arc, ce Zayd Hamdan. Elle dit dans un article qu'elle a voulu travailler avec lui, avec Hamdan, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a une approche assez unique de la musique, très professionnel aussi. On le voit d'ailleurs, ça paraît, il est derrière l'album dont vous avez entendu la première chanson, à Safar Baïd. Il est derrière l'album Moga. D'ailleurs, c'est Moga est chanté par Mahi and Zayd. C'est eux qui sont les deux, finalement, les deux musicien de cet album. Donc elle dit qu'il était très ouvert, une approche très professionnelle de la musique. Ils se sont rencontrés 2 ans plus tard, après ce premier contact en 2010. Et comme Zayd Hamdan le dit lui-même, en quelques heures à peine, ils ont enregistré l'essentiel de l'album Moga. Ça se fait très rapidement et par la suite, Zayd Hamdan est parti avec le matériel. Il a fait les arrangements, il a terminé les arrangements. Ça a été enregistré à Alexandrie. Il a terminé les arrangements à Beyrouth et l'album est sorti en 2013. On va écouter 3 autres pièces de cet album. On va d'abord écouter Neptune, ensuite Mesh Min Hena et Amar El Jadid. الشمس طلع الشمس طلع وانا بنادي عليك انت الابعد مني لكن انا حتى منك هعمل ايه الوهم احلى وهمك احلى بالحقيقه المش مهمه يا نبتون كل الأماكن باردة كل لقيت وعيوني تعبت أحلامي ماتت من زمان عشان ده مش مكاني للأحلام الوهم أحلى وهمك أحلى بالحقيقة المش مهمة يا نبتون والشمس طلعت وعيوني تعبت أحلامي ماتت من زمان عشان ده مش مكاني للأحلام الوهم أحلى وهمك أحلى بالحقيقة المش مهمة يا نبتون يا نبتون يا نبتون بتضيع وقتك انت ما تعرفني شوف لك بحر زيك انا مش عارف اعيش وهتقولي انت راجع عالقمر الجديد الميزان عندي في الطالع وهسيبك وحيد كل اتنين من الناس هيحبوا دايما مش عاوزة أبقى الناس دول كلامك كله فارغ مش طالع من مكان شايف ضوء النجم اللامع يا اخي بطل أفلام وقلت لي انت راجع عالقمر الجديد شايف ضوء النجم c'était Mahi Walid. Mahi Walid, c'est une jeune chanteuse égyptienne qui promet. Elle a déjà quand même quelques années derrière elle. Elle n'est plus en Égypte présentement. Il faut dire que, bon, c'est, je ne sais pas si c'est parce que ça ne va pas très bien en Égypte qu'elle a quitté. Particulièrement, ça ne va pas très bien, particulièrement pour les femmes musiciennes en Égypte. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a quitté pour aller s'installer à Dubaï, mais quoi qu'il en soit, elle a quitté l'Égypte. Elle ne vit plus dans son pays d'origine. Et par contre, celle qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission, après les deux prochaines pièces, Mariam Saleh, elle vit toujours en Égypte. Je vais vous en parler un peu plus avant, tantôt, mais pour le moment, je vais vous présenter trois pièces tirées d'un film qui s'appelle Beirut Hotel. C'est, bon, c'est une... raconter un peu le script du film. C'est Zoan, une jeune chanteuse libanaise qui tente de s'affranchir de la mainmise de son ex-mari. Et il est Mathieu, un avocat français de passage pour affaires, qui sera recherché et soupçonné d'espionnage. La rencontre un soir à Beyrouth, et pendant 10 jours, ils vont vivre une histoire d'amour faite de peur, de désir, d'intrigue et de violence. Si je ne vous raconte pas ça, ce n'est pas pour vous inciter à aller voir ça. Précipité pour aller voir Beirut Hotel, c'est parce que Zeid Hamdan est associé à ce film. Il a fait la trame sonore de Beirut Hotel. Je vous ai dit, Zeid Hamdan, c'est un producteur qui fait un peu de tout et qui joue un grand rôle. Il le dit lui-même, il essaie de mettre de l'avant la scène alternative, non seulement libanaise, mais au-delà du Liban. C'est pas facile, comme il le dit, de se battre contre les courants commerciaux, les courants qui dominent, le type de musique qui domine à la radio et dans les ventes dans le monde arabe. Mais c'est un de ceux qui essaie très fort de faire passer un autre type de musique qui mélange des sonorités, qui mélange des rythmes et des airs occidentaux avec des sonorités, des rythmes, des airs orientaux. Plus particulièrement arabe. Ça donne des choses, mais à la fois fort intéressantes. On l'a vu avec Mahi N-Zeid, l'album Moga, c'est beaucoup plus occidental qu'arabe, disons-le. Mais là, on va voir avec Ya Habidi Tahala, c'est Darin Hamzi qui chante dans cette chanson. On va voir peut-être un petit peu plus de un aspect un petit peu plus oriental. Et ensuite, on va toujours de Zeid Hamdan, on va écouter Dreaming. Et là, c'est Zeid Hamdan lui-même qui chante, parce qu'il chante aussi. Et finalement, on va terminer cette première demi-heure avec une première pièce de Mariam Saleh qui est dans la trame sonore de Beirut Hotel, qui est une pièce... Qui a été composé en 2011 et qui aurait très bien pu être un des hymnes de la révolution arabe telle qu'elle s'est déroulée en Égypte. Enfin, je vous en parle un peu plus tard. On va commencer par Ya Habibi Ta'ala. Ta'ala, c'est ça. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرنا من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيلك واشكي وابكي واحكي بلكي يا غزال لين قلبك يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي J'avais mélangé, hein, Saint Hamdam ne chante pas dans Dreaming, c'est tout simplement une pièce musicale. Là, on va écouter Islahad de Mariam Saleh, qui est la prochaine chanteuse que je vais vous faire découvrir dans la deuxième demi-heure de l'émission. ويزي كمان ترى في جورنا انحجات اصلاحات ويزي كمان اشفى اثر الموم يا واد قوم يا واد هات الحوادث الاحادث في البلاد النقود تعجت لشوطة وصبره داب في الملحات والنبي سخط العيال نصيبها مال زي البنات وان نادية بريزة وقعت وان فاطمة شرب رجعت وان شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات قوم يا واد هات الحوادث الاحادث في البلاد النقود تعجت لشوطة وصبره داب في الملاحات والنبي سخط العيال نصيبها مال زي البنات وان نادية بريزة وقعت وان فاطمة شرب رجعت وان شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات شرك هو شري وان جوعك قط بري وان شرك هو شري وان جوعك قط بري بس بعد التعري يتقيك برد الحاجات

حلوة الدنيا لكن في سرا Salet, c'est une pièce tirée de l'album Mesh Bagani Robert Iyat Shagar Eltou. Mariam Saleh, c'est une chanteuse égyptienne. C'est une actrice aussi. Elle a été. Il faut dire que son père était un homme de théâtre renommé, un directeur de théâtre renommé aussi, qui s'appelait Saleh Saad. Il faut dire aussi qu'elle a été que Sheikh Eman, qui était un chanteur renommé de la gauche, de la résistance égyptienne, chanteur renommé de gauche de la résistance égyptienne, était un ami de la famille. Il fréquentait régulièrement la maison où était élevée Mariam Saleh. Elle a elle-même commencé à chanter et à jouer à l'âge de 7 ans. Elle a participé, elle a elle-même fondé différents groupes de musique, différents groupes de théâtre aussi. Des bandes comme Sada Mazbou, Gawaz Safar, Sheikh Zain, enfin, etc., etc. Elle a aussi été du Al-Washra Theatre Company. Le groupe probablement le plus connu dont elle a fait partie, c'est Baraka. Elle a fait aussi elle-même, produit elle-même des films de production indépendante de films, Ain Sham, Natural Colors, Aduta, Ming Sang, etc., etc. Bref, vous le voyez, c'est une jeune femme aux multiples talents, mais c'est une femme aussi qui chante beaucoup des chansons issues de courants révolutionnaires égyptiens. On va écouter trois autres chansons de Mesh Bagani, Watan El Ak, ensuite Kash Asari et Toul El Tariq. On écoute ces trois chansons de Mariam Saleh. Go فإذا استهلكنا لا نحتاج دعونا نعشق وطنا لعك فإذا استهلكنا لا نحتاج ندوس دماغنا في الحيطة ندوس ميلو يوما شوكولاتة ندوس دماغنا في الحيطة ندوس ميلو يوما شوكولاتة ولا الممنوعات قوم يا واد هات الحوادث كل حادث في البلاد النقود عجت لجوه تعب صبر داب في الملحات النبي سخت العيال نصبح مال زي البلد وان النادي بريز وقعت وان فاطمة شار برجعت وان شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات شرك هو شري وان جوعك قط بري ان شرك هو شري وان جوعك قط بري بس بعد التعري يتيك برد الحاجات الحلفة بر العمر مر وما انتهتش المسألة الاستراح واللي براح لبس داير عالولا حلفة بر العمر مر وما انتهتش المسألة الاستراح واللي براح لبس داير عالولا وسين وجين مش طال جين بيجري في بلاد الخلا سين وجين مش طال جين بيجري في بلاد الخلا نقول تصوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة نقول تصوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة ما انتهتش المسألة ما انتهتش المسألة يا حلفة بر العمر فات ولسه بقرب في الحاجات الصحات ويزيد كمان مش بقى سري المومياوات الحادث في البلاد النقود عجت بشوطة وصبر داب في الملحات النبي سأخت العيال نصيبها مال زي البلد وان النادي بريز وقعت وان فاطمة شار برجعت وان شكري وكالة قرر الدنيا Toul El Tariq de Mariam Salès est tiré de l'album Mesh Bagani. Si vous êtes de celles et ceux qui écoutent régulièrement Les Oreilles Ailleurs, vous avez aussi entendu Mariam Salès le 9 février dernier, le 9 février 2014. J'avais fait jouer un album qui s'appelle Satua, La Voix. C'est un album qui rend hommage aux voix des femmes arabes. Mariam Salef fait deux chansons dans cet album, Nou al-Aman et aussi Watan el-Haq qu'on a entendu tantôt, un peu plus tôt. Mariam Salef dit dans un article qui est paru en 2011, Mariam Salef dit que d'abord qu'elle a été influencée par des groupes psychédéliques rock comme Pink Floyd. Elle raconte ce que je vous avais déjà dit, qu'elle a collaboré, qu'elle a aimé, qu'elle a beaucoup appris de sa collaboration avec Zayd Hamdan, entre autres la chanson Islahat que j'ai fait jouer à la fin de la première demi-heure. C'est issu de la collaboration entre Mariam Salef et Zayd Hamdan. Mais Mariam Salef dit surtout qu'elle, pour elle, c'est pas le rôle du musicien de conscientiser les gens, raise a political awareness, je m'excuse, là je traduis à mesure. C'est pas le rôle des musiciens de conscientiser politiquement les gens, mais plutôt de leur donner des alternatives, de leur procurer des alternatives face au système dominant, de soulever des questions et de soulever l'enthousiasme et le désir de lutter contre le système dominant. Il faut dire que le système dominant, c'était le système égyptien. Ça ne va pas très bien en Égypte, malheureusement. La révolution n'a pas donné ce qu'on croyait qu'elle donnerait, mais on ne sait jamais dans quelques années, peut-être que tout ça portera fruit et que finalement, Les Égyptiens pourront dire et faire et vivre librement ce qu'ils veulent dire et faire et vivre. On va écouter une autre pièce de l'album Mesh Bagani. La pièce s'intitule Ouadi. C'est sur ces notes de la chanson Wadi, tirée de l'album Mesh Bagani de Mariam Saleh, que se termine l'émission Les Oreilles ailleurs pour cette semaine. C'est Michel Monette qui était au micro et qui vous dit au revoir la semaine prochaine. Michel Bonaparte suit avec son émission Topic du Capricorne tout de suite après cette pause publicitaire. Je vous invite d'ailleurs à encourager nos commanditaires. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.